Fuck! Ça va? Trop mal, mal au poignet. Ouais. Comment ça se fait? Ça fait mal apparemment, je sais pas. Ah ouais. Thank you.